Au Rocher, dimanche 21e juin 1671, réponse au 30 mai et au 2e juin. Enfin, ma bonne, je respire à mon aise. Je fais un soupir comme M. de la Souche. Mon cœur est soulagé d'une presse et d'un saisissement qui, en vérité, ne me donnait aucun repos. Mon Dieu, que n'ai-je point souffert pendant deux ordinaires que je n'ai point eu de vos lettres. Elles sont nécessaires à ma vie. Ce n'est point une façon de parler, c'est une très grande vérité. Enfin, ma chère enfant, je vous avoue que je n'en pouvais plus, et j'étais si fort en peine de votre santé que j'étais réduite à souhaiter que vous eussiez écrit à tout le monde hormis à moi. Je m'accommodais mieux d'avoir été un peu retardé dans votre souvenir que de porter l'épouvantable inquiétude que j'avais pour votre santé. Je ne trouvais de consolation qu'à me plaindre à notre cher Dacqueville, qui, avec toute sa bonne tête, entre plus que personne dans la tendresse infinie que j'ai pour vous. Je ne sais si c'est par celle qu'il a pour vous, ou par celle qu'il a pour moi, ou pour toutes les deux. Mais enfin, il comprend très bien tous mes sentiments. Cela me donne un grand attachement pour lui. Je me repens de vous avoir écrit mes douleurs. Elles vous donneront de la peine quand je n'en aurai plus. Voilà le malheur d'être éloigné. Hélas, il n'est pas seul. Mais savez-vous bien ce qu'elles étaient devenues, ces chères lettres que j'attends et que je reçois avec tant de joie? On avait pris la peine de les envoyer à Rennes, parce que mon fils y avait été. Ces faussetés qu'on dit toujours ici sur toute chose étaient répandues jusque-là. Vous pouvez penser si j'ai fait un beau sabbat à la poste. Vous me demandez des choses admirables de vos cérémonies de la fête-Dieu. Elles sont tellement profanes que je ne comprends pas comment votre saint archevêque les veut souffrir. Il est vrai qu'il est italien, et cette mode vient de son pays. J'en réjouirai ce soir le bonhomme Kotken qui vient souper avec moi. Je suis encore plus contente du reste de vos lettres. Enfin, ma pauvre bonne, vous êtes belle. Comment, je vous reconnaîtrai donc entre 8 ou 10 femmes sans m'y tromper? Quoi, vous n'êtes point pâle, maigre, abattu comme la princesse Olympie? Quoi, vous n'êtes point malade à mourir comme je vous ai vu? Ah, ma bonne, je suis trop heureuse. Au nom de Dieu, amusez-vous, appliquez-vous à vous bien conserver. Songez que vous ne pouvez rien faire dont je vous sois si sensiblement obligée. C'est à M. de Grignan à vous dire la même chose et à vous aider dans cette occupation. C'est d'un garçon que vous êtes grosse, je vous en réponds. Cela doit augmenter ses soins. Je vous remercie de vous habiller. Vous souvient-il combien vous nous avez fatigués avec ce méchant manteau noir? Cette négligence était d'une honnête femme. M. de Grignan vous en peut remercier, mais elle était bien ennuyeuse pour les spectateurs. C'est une belle chose, ce me semble, que d'avoir fait brûler les tourblons et retailler les mouchoirs. Pour les jupes courtes, vous aurez quelque peine à les rallonger. Cette mode vient jusqu'à nous. Nos demoiselles de Vitré, dont l'une s'appelle de bonne foi, mademoiselle de Crocoison, et l'autre, mademoiselle de Kerborgne, les portent au-dessus de la cheville du pied. Ces noms me réjouissent. J'appelle la Plessis mademoiselle de Kerlouche. Pour vous, qui êtes une reine, vous donnerez assurément le bonheur à votre Provence. Pour moi, je ne puis rien faire que de m'en réjouir ici. Ce que vous me demandez sur ce que vous êtes pour les honneurs est extrêmement plaisant. J'ai vu avec beaucoup de plaisir ce que vous écrivez à notre abbé. Nous ne pouvons, avec de telles nouvelles, nous ôter tout à fait l'espérance de votre retour. Quand j'irai en Provence, je vous tenterai de revenir avec moi et chez moi. Vous serez lasse d'être honoré. Vous reprendrez goût à d'autres sortes d'honneurs et de louanges et d'admiration. Vous n'y perdrez rien. Il ne faudra seulement que changer de ton. Enfin, nous verrons en ce temps-là. En attendant, je trouve que les moindres ressources des maisons comme la vôtre sont considérables. Si vous vendez votre terre, songez bien comme vous en emploierez l'argent. Ce sont des coûts de partie. Nous en avons vendu une petite où il ne venait que du blé, dont la vente me fait un fort grand plaisir et m'augmente mon revenu. Si vous rendez M. de Grignan capable d'entrer dans vos bons sentiments, vous pourrez vous vanter d'avoir fait un miracle qui n'était réservé qu'à vous. Mon fils est encore un peu loin d'entrer sur cela dans mes pensées. Il est vrai qu'il est jeune, mais ce qui est fâcheux, c'est que quand on gâte ses affaires, on passe le reste de sa vie à les rapsoder et l'on n'a jamais ni de repos ni d'abondance. J'avais fort envie de savoir quel temps vous aviez en votre Provence et comme vous vous accommodiez des punaises. Vous m'apprenez ce que j'avais dessein de vous demander. Pour nous, depuis 3 semaines, nous avons eu des pluies continuelles. Au lieu de dire « Après la pluie vient le beau temps », nous disons « Après la pluie vient la pluie ». Tous nos ouvriers en ont été dispersés. Pilois en était retiré chez lui et au lieu de m'adresser votre lettre au pied d'un arbre, vous auriez pu me l'adresser au coin du feu ou dans le cabinet de notre abbé, à qui j'ai plus que jamais des obligations infinies. Nous avons ici beaucoup d'affaires. Nous ne savons encore si nous fuirons les États ou si nous les affronterons. Ce qui est certain, ma bonne, et dont je crois que vous ne douterez pas, c'est que nous sommes bien loin d'oublier cette pauvre exilée. Hélas, qu'elle nous est chère et précieuse. Nous en parlons très souvent, mais quoique j'en parle beaucoup, j'y pense encore mille fois davantage, et jour et nuit, et en me promenant, car on a toujours quelques heures, et quand il semble que je n'y pense plus, et toujours, et à toute heure, et à tout propos, et en parlant d'autre chose, et enfin, comme on devrait penser à Dieu, si l'on était véritablement touché de son amour. J'y pense d'autant plus que très souvent je ne veux pas parler de vous. Il y a des excès qu'il faut corriger, et pour être poli et pour être politique. Il me souvient encore comme il faut vivre pour n'être pas pesante. Je me sers de mes vieilles leçons. Nous lisons fort ici. La mousse m'a prié qu'il pût lire le Tasse avec moi. Je le sais fort bien parce que je l'ai très bien appris. Cela me divertit. Son latin et son bon sens le rendent un bon écolier, et ma routine et les bons maîtres que j'ai eus me rendent une bonne maîtresse. Mon fils nous lit des bagatelles, des comédies, qu'il joue comme Molière, des vers, des romans, des histoires. Il est fort amusant. Il a de l'esprit, il entend bien, il nous entraîne, et nous a empêchés de prendre aucune lecture sérieuse, comme nous en avions le dessein. Quand il sera parti, nous reprendrons quelques belles morales de ce monsieur Nicole. Il s'en va dans 15 jours à son devoir. Je vous assure que la Bretagne ne lui a point déplu. J'écris à la petite Deville pour savoir comment vous ferez pour vous faire saigner. Parlez-moi au long de votre santé et de tout ce que vous voudrez. Vos lettres me plaisent au dernier point. Pourtant, ma petite, ne vous incommodez point pour m'écrire, car votre santé va toujours devant toute chose. Nous admirons, l'abbé et moi, la bonté de votre tête sur les affaires. Nous croyons voir que vous serez la restauratrice de cette maison de Grignan. Les uns gâtent, les autres raccommodent. Mais surtout, il faut tâcher de passer sa vie avec un peu de joie et de repos. Mais le moyen, ma bonne, quand on est à 100 000 lieues de vous, vous dites fort bien, on se parle et on se voit au travers d'un gros crêpe. Vous connaissez les rochers, et votre imagination sait un peu où me prendre. Pour moi, je ne sais où j'en suis. Je me suis fait une Provence, une maison à Aix, peut-être plus belle que celle que vous avez. Je vous y vois, je vous y trouve. Pour Grignan, je le vois aussi. Mais vous n'avez point d'arbres, cela me fâche, ni de grottes pour vous mouiller. Je ne vois pas bien où vous vous promenez. J'ai peur que le vent ne vous emporte sur votre terrasse. Si je croyais qu'il vous pût apporter ici par un tourbillon, je tiendrais toujours mes fenêtres ouvertes et je vous recevrais, Dieu sait. Voilà une folie que je pousserai loin. Mais je reviens, et je trouve que le château de Grignan est parfaitement beau. Il sent bien les anciens Adhémar. Je ne vois pas bien où vous avez mis vos miroirs. L'abbé, qui est exact et scrupuleux, n'aura point reçu tant de remerciements pour rien. Je suis ravi de voir comme il vous aime, et c'est une des choses dont je veux vous remercier que de faire tous les jours augmenter cette amitié par la manière dont vous vivez avec moi et avec lui. Jugez quel tourment j'aurais s'il avait d'autres sentiments pour vous. Mais il vous adore. Dieu merci, voilà mon caquet bien revenu. Je vous écris 2 fois la semaine, et mon ami Dubois prend un soin extrême de notre commerce, c'est-à-dire de ma vie. Je n'en ai point reçu par le dernier ordinaire, mais je n'en suis point en peine à cause de ce que vous me mandez. Voilà une lettre que j'ai reçue de ma tante. Votre fille est plaisante. Elle n'a pas osé aspirer à la perfection du nez de sa mère. Elle n'a pas voulu aussi. Je n'en dirai pas davantage. Elle a pris un 3e parti et s'avise d'avoir un petit nez carré. Ma bonne, n'en êtes-vous point fâchée? Hélas, pour cette fois, vous ne devez pas avoir cette idée. Mirez-vous, c'est tout ce que vous devez faire pour finir heureusement ce que vous commencez si bien. Adieu, ma très aimable bonne. Embrassez monsieur de Grignan pour moi. Vous lui pouvez dire les bontés de notre abbé. Il vous embrasse, cet abbé, et votre fripon de frère. La mousse est bien contente de votre lettre. Il a raison, elle est aimable. Pour ma très bonne et très belle, dans son château d'Apollidon.